La vérité me clash au dos. tant que la justice me cache pour cacher les grâces des classes de l'élite. Éviter le pire et mentir à sa populace en criant sous nos yeux malgré nos regards hagards. L'empire technologique du bonheur en plastique. L'empire technologique du bonheur en plastique. L'empire technologique du bonheur en plastique. L'empire technologique du bonheur en plastique. L'empire technologique du bonheur en plastique. L'empire technologique du bonheur en plastique. L'empire technologique du bonheur en plastique. L'empire catastrophique du plaisir chimique. L'empire technologique du bonheur en plastique. L'empire technologique du bonheur en plastique.